trop de soucis et j'ai trop de sap, hey. 1-9 Gold 4-5. J'tire de loin si tu fais du penchak. Little Italy Mannschaft, hey. Juste une lettre, tu sais comment je m'appelle. La créatine, on coupe la mozzarella. J'ai l'essence, la science, la connaissance du truc. Vine à chargeur après le Buenos Aires. Criminel, fuck Robocop. Tire comme clean, ça arrache comme crocop. Pour venir, je mets un 3-4 en croco. On agit, j'ai tout le temps, beaucoup s'accomplit d'armes de guerre. Abrité dans les locaux, au carré, que des gogos. Peu de faits, que des vocaux. Abété près du logo. Méthode du cocasse, drogue des Pays-Bas. Cosse sicilienne, moteur allemand. Putain, je suis allemand, attends que je vienne. Juste investir, réinvestir. Et si je résiste à Némésis. Un mort le sang séché, c'est pessi. Je suis au cœur de la brèche et du récit. Et ramène des glaçons, pétasse, pétasse. Le sky et la boisson. L'un. Quatre mauvais garçons, ta tête, combien ça paye? Ta daronne en caution, aucune émotion. On a les plugs, les glocks, les box et les munitions. La sueur et des grammes, des corps sous les draps, tu connais mon hood. Je vais ramener des millions pour sécher ses larmes si elle a le blues. Des cicatrices et du charme, et quand ça shine, je suis pas dans le doute. On a les plugs, les glocks, les box et les munitions. Aucune émotion. Amen. Aucune émotion. Putain. On a les plugs, les glocks, les box et les munitions. Équipe. Ta daronne en caution. Aucune émotion. On a les plugs, les glocks, les box et les munitions. S.O. le S depuis Gomorrah, hey. Masqué comme dans V pour Vendetta. Pour le cash, on a le flair et l'odorat, hey. Quelqu'un depuis Def Jam Vendetta. Mannschaft, Squadra Azura. L'un, couleur à courage. J'suis l'ouragan Katrina, t'es la bourrasse. Au Mickey comme dans Kengan Ashura. Sur la A7, allemand dans la A7. La prod on la séquestre à 2 pas à 7. J'vois flou grâce au lin, au drayé à la CEP. 667 OBS, SO à la SEC. Corleone, Schneider. J'fume la frappe, j'fume la Schneider. Quand j'écris, tête en feu comme Ghost Rider. Pas de top line, pas de Ghost Rider. Concu, on a laissé descendre. Touche-nous, tu te fais monter ou tu te fais descendre. J'bombarde sur les côtés, j'fais descendre. Shenzhen connecté comme un télécentre. Flow interdit, j'ai Vlad Palette et Suzuku. Mais y'a pas que des arbalètes. Audio dope avec le S, à cuisine la galette. On sait qu'il y a les manettes, pétasse, donne la mallette. Et ramène des glaçons, pétasse, pétasse. Le sky et la boisson. L'un. Quatre mauvais garçons, ta tête, combien ça paye? Combien? Ta daronne en caution, ah. Aucune émotion. Aucune. On a les plugs, les glocks, les box et les munitions. La sueur et des grammes, des corps sous les draps, tu connais mon hood. On a les plugs, les glocks, les box et les munitions, pétasse. Je vais ramener des millions pour sécher ses larmes si elle a le blues. On a les plugs, les glocks, les box et les munitions. Aucune émotion. Amen. Aucune émotion. Pétasse. On a les plugs, les glocks, les box et les munitions. Équipe. Ta daronne en caution. Ah. Aucune émotion. Ah. On a les plugs, les glocks, les box et les munitions. On a les plugs, les glocks, les box et les munitions. On a les plugs, les glocks, les box et les munitions.